Ouais, c'est France Impro ce matin. Émission spéciale Jazzalus. Donc vous êtes sur FMR 89.1. On écoute en ce moment un morceau qui est le projet 7ème continent, Talking Trash, avec Pascal Nigenkamper, Joachim Badenhorst, Julian Elvira, Evry Serre, Joris Roll et Philippe Zoubek. Ce matin, invité Jean-Pierre Leirac avec nous, qui est le président du festival Jazzalus, donc mission spéciale ce matin sur ce festival qui se passe à Luz Saint-Sauveur dans les Pyrénées du 13 juillet au 16 juillet. Jean-Pierre, tu veux nous dire un mot des musiciens qu'on entend en ce moment peut-être ? Ben, on pourrait, oui, c'est vrai que là, on est pour le coup, on est sur un projet vraiment européen. Je crois que c'est un peu un petit clin d'œil aujourd'hui, parce que l'Europe, au niveau musique, ça existe en tout cas. Et donc là, il y a un pianiste autrichien, une pianiste française, Evry Serre, qu'on connaît bien. Joachim Badenhorst, qui est un musicien allemand également, et un espagnol également. Donc voilà, on est sur. Et puis là, c'est un projet comme. Vraiment, c'est avec deux pianos, deux trios symétriques avec deux pianos. Quoi. Voilà, donc, c'est un projet à découvrir complètement, puisque ça, c'est un projet qui n'a pratiquement pas joué en France. Et donc, ce sera présenté le jeudi soir, le 14 juillet, lors du festival. Voilà, le deuxième jour du festival. Ouais, ouais. On va continuer, si tu veux, avec un autre projet, avec un batteur new-yorkais chez Smith. Oui. Avec deux autres musiciens, tu peux nous dire. Ouais, alors c'est vrai que chez Smith, bon, c'est la première fois qu'on reçoit chez Smith, et c'est son trio à lui, mais les deux musiciens qui l'accompagnent sont des musiciens qui ont une histoire déjà à Luz, en particulier Craig Taborn, qui a joué il y a 3 ans et qui a laissé d'énormes souvenirs. C'est un pianiste, on ne le dira jamais assez, vraiment, vraiment incroyable. Et Matt Maneri, qui n'est pas venu très longtemps en Europe pour des raisons un peu spéciales d'ailleurs, je trouve ça assez marrant parce qu'il était, je crois qu'il était, il était un peu harcelé par une fille, donc il ne voulait plus venir en Europe pendant très longtemps. Et donc voilà, je crois que ce problème a l'air d'être résolu pour notre grand bonheur. On l'avait reçu il y a une dizaine d'années, ce magnifique violoniste. Donc ça, c'est un très beau projet. C'est vrai que c'est un petit peu les musiciens, un petit peu les stars de notre programmation. Bon, il en faut un petit peu, même si c'est pas notre priorité. Mais en tout cas, pour des projets comme ça, on veut bien faire des exceptions, quoi. Ouais, et puis tu parles de stars, mais tout est relatif. Je veux dire, c'est pas des... Non, c'est pas des stars, mais c'est quand même des gens qui sont sur des circuits internationaux, qui peuvent jouer dans des grands festivals. Bon, c'est vrai que Craig Taborn, il y a ce qu'un musicien a besoin d'un pianiste. Bon, il va pas se compliquer, il va chercher Craig Taborn. Ouais. Et c'est vrai que moi, j'aime bien quand il est dans ses projets, à lui, plutôt que quand il est sideman. Pourtant, il a fait ça beaucoup dans sa vie. Mmh. Et c'est vrai que quand on l'entend en solo, ou avec son trio, ou sur un projet comme ça, tout, le musicien prend toute une autre dimension, quoi. Ouais. On va passer un morceau donc de ce projet-là et on en parle après de ce morceau et de l'album. À tout de suite. Ouais, c'était le deuxième morceau d'un album de Chess Smith, le batteur, avec Craig Taborn et Pat Maneri. Ce sera donné le mercredi 13 juillet en soirée d'ouverture du festival. Voilà. C'est un peu le concert de lancement du festival, oui. Ouais. Bien. Et on se proposait en écoutant de changer complètement de. Oui, peut-être parce que non, mais après c'est vrai que le festival, il y a vraiment des moments très différents, donc c'est bien d'illustrer un petit peu. On passe par des moments très calmes comme celui-là et des moments où ça peut être très agité ou alors très déjanté. Voilà, il y a un peu de tout et on passe dans la journée à des moments très différents. Donc on va passer un morceau des Massifs des Fleurs. Massifs des Fleurs, c'est un duo de chansons. Quand je dis chansons, vous verrez, on comprendra que c'est quand même des chansons. Là, on est dans un univers très déjanté, avec Dominique Repeco, qui est un guitariste qui est également le directeur du festival de Vendeuvre Musique Action, un super festival de musique improvisée. Et donc, Frédéric Le Jonteur, je dis un mot dessus parce que c'est vraiment une espèce de génial, fou génial, un bricoleur, un mec, un inventeur. Et c'est lui, il a une espèce de hangar chez lui, il invente tout un tas d'instruments avec des objets bizarres. C'est un bricoleur, quoi. C'est un mec, voilà, ça fait partie des installations sonores. Et en plus de tout ça, puisqu'on va pouvoir l'utiliser comme ça, il y aura plein d'installateurs sonores pendant tout le festival. ça c'est une chose, une autre thématique un petit peu. Et il a un duo avec Dominique Repeco sur une certaine façon de faire de la chanson. Lui, il a des matériaux comme ça, avec des tout un tas de petites roues comme ça qu'il agite pendant le concert. Et Dominique qui envoie des riffs à la guitare. Donc on peut écouter un extrait, là on va changer carrément d'univers. Ouais, ouais, on va écouter le deuxième morceau qui s'appelle T'es pas drone, je crois. Ouais. Fuck. Et oui, c'était un extrait de l'album T'es pas drone du duo Le Jeuneteur Repeco. Ouais, il y aura du blues un peu au festival, oui. C'est du... ouais. Bien, on espère que vous passez un bon réveil, un bon petit déjeuner en notre compagnie. On est toujours sur FMR 89.1 et c'est l'émission France Impro ce matin en spécial Jazz Alus avec Jean-Pierre Leirac. On vient de s'écouter un morceau du duo Les Massifs de Fleurs qui sera donné le jeudi 14 juillet en soirée du voilà, festival. Très tard sous le chapiteau, oui. Peut-être Jean-Pierre, du coup tu peux nous parler de la journée l'organisation des journées du festival, parce qu'en fait chaque jour il y a en gros 5, 6, 7 spectacles qui s'enchaînent depuis la fin de matinée, je crois. Pour ceux qui connaissent pas le festival, c'est vrai que c'est un festival assez dense. C'est les journées, les festivaliers on les lâche pas trop. Et c'est construit sur 4 jours pleins, quoi. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'on encourage les gens à venir plutôt pour plusieurs jours. C'est pas un festival où on vient voir un concert. C'est pas du tout le principe. On vient, on s'imprègne, on suit un petit peu. Il y a différentes choses dans des endroits très différents. Donc on amène les festivaliers soit dans des villages à côté, soit dans des salles à côté, etc. Donc c'est un peu le but. Et c'est vrai que je disais tout à l'heure, les moments ils sont très différents. Il y a des moments d'écoute comme ça sur des concerts de musique improvisée et des moments de détente dans des cafés, des apéro-concerts, des moments plus festifs, disons plus conviviaux. Et souvent après, à partir de 23h, on lâche les chevaux un petit peu. Disons que là, c'est des moments carrément festifs, des fois, donc jusqu'à des heures très tardives de la nuit. Donc voilà, donc c'est sur une journée du festival, on peut vivre des moments très différents. Puis après, finalement, on peut aussi se le faire comme on a envie. Si on n'a pas envie de danser, on va au lit, puis on attend les concerts de musique improvisée le lendemain. Voilà, chacun le fait un petit peu à sa manière. Voilà. Après aussi, il y a un autre aspect, on peut le voir de côté transversal. On essaie chaque année d'avoir quelques thématiques un petit peu, voilà, des espèces de lignes comme ça sur le festival. Je vous parlais tout à l'heure des installateurs, parce qu'il y aura Basile Robert également, Alex Mendizabal qui vont faire des installations tout autour du festival, des installations sonores. Et Basile Robert qu'on connaît, qui est toulousain. Et puis, on a travaillé un petit peu cette année aussi sur les collectifs. Les collectifs, parce que ça aussi, c'est quelque chose qui est important en France en ce moment. Tous les musiciens, les jeunes musiciens, ils s'organisent un peu en collectif. C'est une façon de travailler. On en retrouve des collectifs un peu dans toutes les villes. On avait un petit peu envie d'illustrer ça à notre manière. Et puis après aussi, de le rencontrer. On fera d'ailleurs un petit débat avec Anne Montaron de France Musique sur cette thématique. Et vous voyez, des gens comme Fidel Pourneron ou Antonin Trivon font partie de collectifs comme Laut ou le Coact qui est le plus connu. Et on avait envie d'illustrer ça avec un collectif qui est un peu moins connu, qui s'appelle 11h11, avec le Home Grand Ensemble, qui sont des jeunes musiciens également, un ensemble avec 14 musiciens, et un projet qui m'a séduit énormément. C'est vraiment un projet très original, quelque chose de très rare, quoi. Et on a eu un coup de foudre pour ce projet. Alors c'est vrai que c'est une musique qu'on écoute dans la longueur, donc on peut en passer un extrait pour donner une idée, mais c'est vraiment tout, on nous plonge dans un univers. Et j'espère que ce sera un grand moment du festival, le grand ensemble. On se l'écoute, on va passer le premier morceau d'un album, je crois. Oui. Thank you. exceptionnellement. Ce sont des morceaux très longs, exceptionnellement on les coupe un peu ce matin, on va vous faire découvrir le maximum de choses du programme du festival de Jazz à Luz qui aura lieu cet été. On est en train d'écouter un extrait de l'album de Home Grand Ensemble, un ensemble de 14 musiciens qui sera programmé le vendredi 15 juillet à Luz Saint-Sauveur. Ouais, c'est vrai que ce sont des morceaux très longs, comme je le disais, ils nous plongent dans un univers, donc c'est vrai que c'est des morceaux, il faut prendre le temps de les écouter, donc c'est vrai qu'à la radio c'est un petit peu difficile, mais ça donne... On le fait souvent, mais c'est vrai que là on a envie de passer plusieurs choses du festival. Et la richesse du festival, quoi. Voilà. On se rend compte qu'il y a une grande variété de créations et d'artistes qui seront présents ces 4 jours. Jean-Pierre, tu proposais d'enchaîner avec un groupe toulousain. Ouais, alors ça c'est vrai que Toulouse, ça fait partie des... Forcément, moi j'habite à Toulouse, donc depuis le début du festival, on travaillait avec des musiciens toulousains. Ça fait partie un peu aussi, je crois, des missions des festivals. Et on a cette chance, je disais, d'avoir chaque année, on trouve des projets intéressants. Et c'est vrai que Marc de Moreau nous étonne toujours parce qu'il a toujours de nouvelles idées. Et là, je dois dire que sur le dernier truc, il m'a vraiment scotché avec ce groupe. Il m'avait parlé d'un projet comme ça. Il voulait reprendre des morceaux de Pharoah Sanders, de l'Art Ensemble, tout ça. Il voit qu'il aime beaucoup la période free des années 80, comme ça. Et donc, c'est vrai qu'on était quelques-uns comme ça à l'impro et à assister à la première de ce groupe. C'est un peu un all-star toulousain quand je dis ça. Je vexe pas les autres musiciens, c'est pas le propos. Hein. Mais disons que c'est des musiciens qu'on a vus sur le devant de la scène depuis ces 5 musiciens-là, depuis très longtemps. C'est pas exclusif ce que je dis, hein, mais ces 5-là, en tout cas, sont des musiciens très repérés sur le plan national maintenant. Et donc c'est vrai que ce jour-là à l'impro, il s'est passé quelque chose d'assez incroyable. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est ça, voilà, encore un truc comme ça que nous sommes, Marc de Moreau. Alors là, c'est vraiment la musique des années 80, de ce free, de cette musique libertaire de cette époque-là. C'est-à-dire du free, une liberté totale et en même temps une énergie incroyable. Et je crois qu'ils ont réussi à faire passer ça. Et je suis ravi de pouvoir les programmer au festival. Quoi. Ouais, ça s'appelle All Star Claqué, c'est parti. Et c'était au Star Claqué. C'est un quintet toulousain qui sera présenté le samedi 16 juillet à 21h sous chapiteau lors du festival Jazzaluz. Jean-Pierre. Tout à fait. Merci pour cette programmation. Bah, si vous n'étiez pas réveillé ce matin, ce samedi matin, il est presque 11h. Bah, maintenant, c'est fait. En tout cas, pour nous, c'est le cas. On s'est régalé en écoutant ça. Et on espère que vous avez passé un bon moment dans cette émission. Je vais dire quelques mots de l'agenda quand même. On se base d'habitude sur l'agenda des sonophages. Il y a deux, trois petites choses dont je voulais vous parler. Il y a notamment au Caméléon, c'est une bêtise, c'est passé depuis longtemps. Voilà, le 30 juin, il y a une soirée sonore à l'IPN. L'IPN, c'est 30 rue des Jumeaux. Une soirée sonore qui commence à 20h avec plein de choses, Phone Opticon, avec un duo Gorfinkel-Bobacker, Tuyo Pompambou et Eddie Bobacker, évidemment, à la basse. Un solo d'Aviva Eden. Si tu connais, Jean-Pierre, tu peux commenter, parce que moi, je ne connais pas. C'est le clarinettiste de Melbourne. Et enfin, le collectif Apax de Toulouse, qui diffusera des pièces électroacoustiques. Voilà, c'est le 30 juin. Ça se passera au collectif, ce sera à l'IPN, donc très près du canal du Midi et du Faubourg Bonnefoy. Et c'est 30 rue des Jumeaux exactement, à 20h. Voilà. Il y a ce soir également, je crois, là, qui est important, peut-être vous allez dire, la dernière de la Maison Peinte. C'est un peu triste en même temps. C'est un lieu privé, donc j'en parle pas forcément, mais pour les habitués qui connaissent, donc là, moi, c'est ce soir. Voilà. Ouais. Et c'est à 21h, comme d'habitude à la Maison Peinte, c'est prix d'entrée libre. On amène ce qu'on veut pour partager, à manger, à boire. Et il y aura plein de choses. Hein. Il y aura 4 moments. Neko, saxophone, percussion, peinture, dessin. Il y aura Latitude 2250 avec Erwan Lamer, Walking Rodriguez, trompette, donc batterie, trompette respectivement. Et le duo Vortex, Sébastien Siroto avec Eddie Bobacker. C'est le dernier concert de la Maison Peinte avant la fête de fin de clôture, ouais, cet été au mois de juillet. Et voilà. Et je voulais te donner un autre concert qui aura lieu au mois de juillet. Évidemment, on parle de Jazzaluz aussi, mais ça, on le fait depuis une heure, donc c'est bien. Ça commence le 13 juillet, mais il y aura autre chose au mois de juillet. Je suis désolé, ça prend un peu de temps parce que comme le site internet ne marche pas ici, je suis sur mon téléphone portable. Alors, le 1er juillet. Sera lieu à Toulouse, le lieu est c'est la fête de l'image. Il y aura la projection du film, comment dire, qui s'appelle La Rallonge. C'est une suite de moments entre musique improvisée et images, réalisée essentiellement par Youssef Ghazal, contrebassiste, mais avec plein d'invités qui ont chacun en duo en général, mais pas que. Qui sont intervenus sur la création musicale entre des événements cinématographiques, on va dire, de courts-métrages. Voilà, ce sera présenté lors de la fête de l'image, ça s'appelle La Rallonge, et ce sera le 1er juillet. Voilà, il nous reste quelques minutes, on va terminer l'émission, donc c'est France Impro. On va se retrouver après, je ne peux pas vous dire quand, parce qu'on va essayer de voir si on ne peut pas trouver des créneaux en soirée, lors de la grille d'été de FMR. Donc on vous tiendra au courant pour les prochaines émissions. Bah sinon, ce sera dans 15 jours ou dans un mois. On va terminer cette émission spéciale Jazzaluz avec Jean-Pierre Leyrac par un album de Pixvae, ouais, qui sera programmé. Peut-être que tu peux nous le dire. Ce sera la clôture du festival. C'est un peu pour ça aussi que j'avais dit de programmer, de passer Pixvae. Ça va être un peu la conclusion aussi. Et c'est un petit peu le côté festif. Là, bon, là on est sur une création entre du rock et de la musique traditionnelle colombienne. Et c'est une manière pour terminer, je crois, avec tout le monde un peu dans la fête. C'est un très beau projet, très cohérent et très péchu. Et ça vient de Colombie. Absolument.